Yeah. Ta classique enfoiré. Ta classique enfoiré. Nizé. Nizé. Yeah. OBL aux machines enfoirées. OBL aux machines enfoirées. T'es là ou pas? T'es là ou pas? Mais écoute. Écoute, hein. Présent l'école, m'en parle pas, j'suis prêt à tester les cieux. Peur de personne, y'a que devant pas, pas que j'baisse les yeux. C'est l'époque où j'découvre qu'on peut faire de la thune en sachet. Me voit finir fouteux, il sait pas que j'fume en cachette. La légende dira ta langue gâchée. Passons, de toute façon, un tas de gens mis de côté, ça donne un tas de gens fâchés. Juste un petit garçon qui se retrouve dans l'impasse. Vu que cette vie est sombre, j'ai un garçon à la place du cœur. Ok, y'a personne qui fait le mal. 15 ans avec mes frères, j'ai un gun, un petit tard. Parce j'commence à vraiment kiffer le rap. Vraiment qui fait le rap. Prêt à appuyer sur rec à chaque fois qu'un freestyle par la France une garde. Ça t'a truc à dire au large, me taille pas. Et le soir dans ma chambre, j'écoute du rire aux larmes de sniper. C'est ce rapin, ils ne savent pas ce qu'on a enduré. Prêt pour que les miens ne s'arment pas. Un mix entre mes peurs amères et mes ras-le-bol poteau. J'sais pas où ce peu ramène, j'fais des albums photos. De page en page, comme dans un roman, j'navigue à travers les âges, j'écris des moments de ma vie. Même s'il pleut à faire, je tente. Je veux que mes récits traversent le temps. De page en page, comme dans un roman, je navigue à travers les âges, j'écris des moments de ma vie. Même s'il pleut à faire, je tente. Je veux que mes récits traversent le temps. 18 piges, je veux des grosses thunes. Sans ça, toute joie s'efface, c'est fade. Mais c'est dans les drogues dures que les bourgeois s'évadent. Lui qui me disait, fais gaffe, suffit d'une sale affaire pour te lasser. La vie est mal faite, mon frère a pris du fer pour te lasser. 20 ans, pas de fric, crois pas que je baratine, y'a pas de ciné. J'écoute en boucle ma fac, un frié paradis assassiné. Même si tu brasses, t'y mal. Ne crois pas que t'es rentier. Moi, depuis que j'ai perdu image, je veux à la terre entière. Je les entends dire que je me fais des films et que je suis taré. L'impression que le temps passait des films est plus pareil. 25 piges. Ça y est, un quart de ciel, plus rien à perdre, je ne crains que celui qui incarne le ciel. J'rappe depuis j'ai gros, j'crois que ça m'aide. J'en suis accro, juste une piste approche, j'suis froid, sa mère. J'écoute des phrases amères, j'm'inquiète pour pas crier. J'continue ma quête, même si dans ma tête tout a vrillé. Un mix entre mes peurs amères et mes ras-le-bol poteau. J'sais pas où ce peu ramène, j'fais des albums photos. De page en page, comme dans un roman, j'navigue à travers les âges, j'écris des moments de ma vie. Même s'il pleut à faire, je tente. Je veux que mes récits traversent le temps. De page en page, comme dans un roman, je navigue à travers les âges, j'écris des moments de ma vie. Même s'il pleut à faire, je tente. Je veux que mes récits traversent le temps. J'écris, je zone, crois pas que je me plains de cette vie. J'ai côtoyé des vrais hommes et des gens pleins de ce vide. J'ai mûri mes jambes encore qui peuvent remplir la pensée. Ces 30 années sont passées à une vitesse impensable. C'est pas les pecs de 57, mais je quitte vers le bitch 17. Si Dieu le veut, je vous balance de projet en 2017. Et pareil qu'à chaque son, je ne cesse de perforer. Je monte, c'est la crasse enfoirée. Je suis venu dévorer le monde. De page en page, comme dans un roman, je navigue à travers les âges, j'écris des moments de ma vie. Même s'il pleut à faire, je tente. Je veux que mes récits traversent le temps. De page en page, comme dans un roman, je navigue à travers les âges, j'écris des moments de ma vie. Même s'il pleut à faire, je tente. Je veux que mes récits traversent le temps. Je veux que mes récits traversent le temps.